Antoine Jiménez, souvenir de la guerre d'Espagne, du 19 juillet 1936 au 9 février 1939, feuilleton radiophonique en 20 épisodes. Quatorzième épisode, la bataille de Barcelone. Antonio Jiménez retourne à Barcelone, cette fois au tout début du mois de mai 1937. La situation y est explosive et les conditions d'existence deviennent difficiles pour la population. Au fil des mois, les communistes prennent en main de nombreux secteurs du pouvoir, profitant de la popularité que leur confère la livraison des armes russes et la résistance victorieuse des brigades internationales à Madrid. Au sein de la Généralité de Catalogne, en dépit des accords signés et autres pactes d'unité entre la CNT et le PSUC, la lutte devient ouverte. Épaulés par les catalanistes et s'appuyant sur les classes moyennes qui espèrent un retour à la situation d'avant juillet 1936, les communistes exigent et obtiennent en décembre que le PUM soit écarté du gouvernement de la Généralité. Ensuite, le PSUC met à profit de réelles difficultés d'approvisionnement pour monter la population contre la CNT, dont un ministre avait travaillé au ravitaillement. Certains soupçonnent même Juan Comorera, le nouveau conseiller communiste qui lui succède, d'aggraver la pénurie afin d'accuser les collectivistes d'incurie. Enfin, une crise ministérielle dans la Généralité éclate le 26 mars. Sous prétexte que des incontrôlés menacent l'ordre public, le gouvernement catalan décide de dissoudre les patrouilles de contrôle formées d'un millier de militants politiques et syndicaux, en majorité anarchistes. La CNT accepte d'abord, puis, bousculée par sa base, bloque l'application du décret. La tension monte, car après la militarisation des milices, il s'agit maintenant, ni plus ni moins, de désarmer les comités de défense populaire. Or, depuis longtemps déjà, en plusieurs endroits d'Espagne, des militants socialistes et anarchistes sont séquestrés et torturés dans les prisons clandestines des services secrets soviétiques ou retrouvés morts dans les rues. Camillo Berneri dénonce sans relâche la traque des incontrôlés, c'est-à-dire en réalité des éléments les plus radicaux de la CNT et de la FAI. Pour cette tâche, beaucoup d'hommes sont enlevés du front et vont grossir les rangs de la nouvelle police en constitution. Le 29 avril, des troupes catalanistes et communistes délogent les anarchistes du contrôle des frontières et multiplient les accrochages, meurtres et provocations. Ainsi se dirige-t-on vers l'épreuve de force que les responsables libertaires voulaient à tout prix éviter, c'est-à-dire vers la guerre civile dans le camp antifasciste. Alors qu'ils restent les plus nombreux, du moins en Catalogne et en Aragon, les anarchistes n'ont à l'évidence plus l'initiative sur le plan politique. Fidèles à leur choix de ne pas créer de difficultés au gouvernement, leurs représentants restent sur la défensive. Berneri dénonce cette attitude dans une lettre ouverte à Federica Montseny, lui rappelant que des faits graves se produisent qui desservent la victoire militaire et la révolution. Il se fait l'écho des inquiétudes de nombreux militants qui estiment que la CNT et la FAI se compromettent en vain avec les sphères du pouvoir. Dès qu'elle apprit que je devais partir vers l'arrière, Madeleine, qui n'était pas du tout contente de son séjour à Pina, les continuels déplacements du groupe ne nous avaient pratiquement pas permis de nous rencontrer en tête à tête, comme elle l'aurait voulu, déclara à Pablo que son mari la réclamait à son chevet et qu'elle venait avec nous. À Barcelone, le syndicat avait réquisitionné un appartement pour elle, dans une rue adjacente de la Diagonale, la plus longue artère de la ville, qui formait avant l'insurrection le quartier le plus luxueux de la ville. C'est dans son appartement qu'elle me persuada de rester pour la durée de mon séjour. Cela me tint loin du centre et des échauffourées qui se produisirent quelques jours plus tard entre les partisans du PC d'un côté et la CNT et le POUM de l'autre. Une fois la porte refermée sur nous, Madeleine posa ses paquets et se tournant vers moi, elle me prit dans ses bras en disant tout bas « Enfin, nous sommes seuls. » Je me suis souvent demandé, en ce temps-là, ce qu'elle avait dans le sang, ce qui la poussait à demander des caresses, des baisers. Est-ce qu'elle sentait inconsciemment que ses jours étaient comptés? Qu'elle n'avait plus que quelques mois pour jouir de la vie? Je ne sais si c'était la prémonition d'une fin proche, ou autre chose. Ce dont je suis certain, c'est qu'elle était insatiable. Dans l'appartement, nous pratiquions le nudisme intégral. Souvent, quand nous n'étions pas dans la même pièce, elle m'appelait. « Tony, viens !»« Qu'est-ce que tu veux ?»« Viens !» Lorsque j'étais près d'elle, d'une voix assourdie, elle me disait « Caresse-moi, chérie !» J'obtempérais à sa requête avec plaisir, car j'aimais sa peau tiède et douce au toucher. Les premiers jours passèrent comme un éclair. Puis, un soir, on sonna à la porte. C'était son fils. Un jeune homme de 15 ou 16 ans, il arrivait de France. Sa présence nous obligea, en nous rappelant à la réalité de la vie, à sortir et à reprendre contact avec le monde extérieur. Barcelone était en effervescence. La lutte pour le pouvoir entre les différentes formations battait son plein. L'assassinat de Durruti avait énervé les anarchistes. Des fusillades et des bombes éclataient ça et là dans la ville. Les polices du Parti communiste, de la CNT, du PSOUK et du POUM sillonnaient la ville et contrôlaient les passants. J'ai bien dit les polices, car si le PC avait sa police secrète, calquée sur le modèle russe, la CNT et les autres formations politiques avaient organisé des patrouilles de contrôle pour lutter contre la cinquième colonne. Chaque formation ayant sa police particulière, cela n'arrangeait les choses pour personne. Un matin, j'ai rencontré Berneri au syndicat. Comme nous étions pressés de finir de prendre les contacts pour les recrutements des volontaires, nous prîmes rendez-vous pour le lendemain, à media tarde. Je ne devais plus le revoir. Dans la soirée, on vint me prévenir que les communistes avaient occupé la Telefonica et que Berneri avait été tué avec son ami Barbieri à la Generalidad, où ils avaient été convoqués. La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. La garde d'assaut marche, boum badaboum badaboum bam bam. Au centre téléphonique, aïe Carmela, aïe Carmela. Au centre téléphonique, aïe Carmela, aïe Carmela. Après Durruti, Berneri. Les communistes, partisans du pouvoir absolu, écartaient d'une façon définitive et radicale tous ceux qui pouvaient s'opposer à leur hégémonie sur les masses populaires. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Défi aux prolétaires, boum badaboum badaboum bam bam. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Provocation stalinienne, aïe Carmela, aïe Carmela. Communisme, nouvelle religion qui a Marx et Lénine pour dieu bicéphale et Staline pour prophète. Aussi fanatiques que les chrétiens ou les musulmans du Moyen-Âge. Avec leur inquisition, leur impitoyable police. Les communistes, qui n'admettent pas que l'on puisse discuter leurs dogmes, ni que l'on puisse avoir des idées ou des vues plus libérales ou plus révolutionnaires qu'eux. Toujours prêts à arrêter un mouvement lorsque celui-ci risque d'échapper à leur contrôle et se transformer en révolution autogestionnaire. Comme Maurice Thorez en France, en 1936. Avec son slogan « Il faut savoir arrêter une grève ». Car pour les communistes, les masses ouvrières et paysannes ont le seul devoir d'obéir aux directives, et les individus ne doivent s'exprimer autrement que selon la ligne tracée par la direction du parti. Je savais par Alexandre Staradov comment, après avoir cherché l'alliance de Nestor Makhno, lorsque celui-ci, avec ses bandes libertaires, eut chassé les armées de Wrangel et Denikin hors de l'Ukraine, les communistes avaient attaqué par surprise le camp. Makhno put s'enfuir et se réfugier en France. Staradov, fait prisonnier, fut déporté en Sibérie. De son séjour dans les mines de sel, il avait un souvenir. Deux bracelets autour des poignets et des chevilles. Les déportés travaillaient enchaînés. La poussière du sel se glissant entre le fer et la chair avait brûlé la peau et marqué des cercles blanchâtres aux endroits où il portait les fers. Ce jour-là, Madeleine et moi allâmes rejoindre les copains qui se battaient dans la ville. Les barricades barraient certains carrefours. En descendant vers le centre, nous arrêtâmes au siège du groupe allemand Spartacus, devant lequel on était en train de dépaver la chaussée pour ériger une barricade. Ma compagne connaissait pas mal de monde et demanda à ce que nous nous joignions à ce groupe. Pour moi, être là ou ailleurs m'était indifférent. La mort de Berneri m'avait enlevé le goût et l'envie de faire quoi que ce soit, même de me battre. Pour moi, la guerre révolutionnaire était finie et perdue. Madeleine me présenta à plusieurs de ses compatriotes. Comme elle ne se privait pas de dire que j'étais un rescapé de Perdiguera et que j'avais été à Siettamo, dont le film tourné par Jacques était projeté dans les cinémas de Barcelone, je fus accueilli par ceux qui parlaient français ou espagnol avec amitié. Parmi les noms des copains qu'elle me présenta, un frappa mon oreille, Einstein. C'était un homme d'un certain âge, avec des cheveux grisonnants. Nous bavardâmes un bon moment devant une carte de la ville qu'il étudiait, dans une pièce qui lui servait de bureau. Ce ne fut qu'en le quittant que je me souvins de la théorie de la relativité. Et je demandai à ma compagne s'il en était l'auteur. Elle me répondit que c'était son frère. Quelques années plus tard, je devais apprendre qu'il s'était suicidé pour ne pas être livré à Hitler par les collaborateurs de Laval et de Pétain. Un ou deux jours passèrent ainsi. Échangeant des coups de feu avec les Guardias de Asalto, qui occupaient un immeuble en face de notre retranchement, écoutant la radio qui diffusait les discours et les appels au calme des dirigeants des différentes formations politiques, discutant sur les probabilités de l'arrivée à Barcelone des centuries que la rumeur publique affirmait s'être mise en mouvement du front d'Aragon vers la Catalogne pour faire échec au coup des forces communistes. Puis ce fut le pathétique appel de Garcia Oliver et Federica Monseni, demandant aux libertaires de la CNT d'arrêter le combat. Honte à ceux qui choisissent, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Honte à ceux qui choisissent, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. L'aliénation étatique, aïe Carmela, aïe Carmela. Avec Madeleine, j'étais rentré à la maison, complètement dégoûté, découragé, ne sachant plus quoi faire. Retourner au front, quitter l'Espagne. Mon ami, voyant mon désarroi, déploya des trésors d'imagination, d'affection, pour me remonter le moral et pour que je reste avec elle. Craignant que je ne me laisse tenter par l'accomplissement de quelques gestes aussi violents qu'inutiles, elle ne me quitta plus un instant. Pour me distraire, elle organisa des soirées où elle recevait ses amis, presque tous employés de l'hôpital où son mari était soigné. Elle me força aussi à sortir pour de longues randonnées dans la campagne catalane, parfois en groupe, parfois seuls tous les deux, comme des amoureux cherchant la solitude. Parmi les infirmières avec qui elle avait lié amitié, il y en avait une vraiment rigolote, toujours en train de rire, toujours prête à blaguer. Il semblait que pour elle, tout dans la vie était prétexte à moquerie. Elle n'était pas jolie, sa figure ronde faisait penser à une ébauche inachevée. Ses yeux étaient ronds, comme des billes de loto, et le nez minuscule légèrement relevé. Seule sa bouche donnait avec ses lèvres charnues et d'un rouge foncé l'impression d'être bien faite. Mais je ne le jurerai pas, car je ne me souviens pas de l'avoir vue au repos. Je crois même que dans le sommeil, elle devait rire ou parler. Son esprit moqueur n'épargnait personne, surtout pas moi. Pour elle, je n'étais qu'un rêveur, perdu dans les nuages, incapable de voir la sordide réalité de la vie. Dépourvu de toute confiance en l'humanité, convaincu que les êtres humains étaient veules, incapables de raisonner logiquement, paresseux intellectuellement, toujours prêts à suivre aveuglément le premier beau parleur qui leur promettait la lune, tout comme un troupeau de moutons suit le berger qui le conduit à la boucherie. Elle affichait un mépris absolu pour tout ce qui était conventionnel, scandalisant son entourage par ses réparties souvent blessantes pour l'amour propre de ceux qui l'écoutaient. Elle pouvait avoir entre 30 et 35 ans. Soledad était son nom. Solitude. Ce nom lui allait comme un gant. Selon Madeleine, elle était moralement seule, très cultivée, parlant 4 langues en plus de l'espagnol, partageant sa vie entre son travail et l'étude, indifférente au bien-être matériel et à la majorité des choses qui font l'intérêt des femmes. Soledad affirmait que les seuls besoins, les seules nécessités de l'animal humain étaient manger, boire, dormir et faire l'amour. Un jour, Madeleine fut obligée de partir de bon matin avec deux de ses amis et son fils pour aller le confier à des paysans des environs de Barcelone. J'étais donc seul à la maison lorsqu'on frappa la porte. C'était Soledad. Madeleine n'est pas là. Oui, je le sais, c'est elle qui m'a dit que t'étais seule aujourd'hui. Je suis de repos et j'ai toute la journée à moi. Le sachant, Madeleine m'a demandé de venir bavarder avec toi. Tout en parlant, elle avait refermé la porte et donné un tour de clé. Ainsi, on ne sera pas dérangé. Je veux parler franchement avec toi. J'étais atterré. Je ne pouvais pas la mettre à la porte. Je n'osais pas lui dire de se taire, de s'en aller, de me laisser en paix savourer quelques heures de solitude. Son moulin à paroles déversait inlassablement sa musique. En préparant le dîner, elle me mit au courant de tous les potins de l'hôpital, de la santé de ses malades, des blessés qui arrivaient du front. Après avoir servi le café, elle se tut. Surpris par le silence, je levai mon regard. Les coudes sur la table, Soledad me regardait en souriant. À toi de parler. Je parie que t'es incapable de me dire quoi que ce soit sur mes propos, à part peut-être que j'ai cassé les oreilles. Je suis venue pour te demander quelque chose. Ah oui ? Quoi ? Que penses-tu de la discussion d'hier soir ? En effet. Soledad avait affirmé, pendant une discussion sur la jeunesse, que les parents n'avaient aucun droit sur leur progéniture. Rien que des devoirs, car les géniteurs ne pensent jamais à ce que sera la vie de leur enfant sur cette terre. Sa théorie était la suivante. Les couples font l'amour pour leur plaisir et par nécessité physiologique, la nature l'ayant voulu ainsi pour permettre la continuité de l'espèce, comme les autres êtres vivants sur cette terre. Au fil des millénaires, l'homme a évolué, s'est libéré de beaucoup de contraintes morales et de dangers matériels, a défini et édifié la société actuelle basée sur la loi du plus fort. Toutes les connaissances en matière de réduction des naissances sont interdites et punies par le code pénal, par les dogmes religieux. Plus il y a d'êtres humains sur Terre, plus il y a de misère. Plus il y a pour les gens au pouvoir la possibilité de recruter de la main-d'œuvre à bas prix et des policiers pour encadrer les va-nu-pieds et réprimer, le cas échéant, les tentatives de révolte. Nous mettons au monde des enfants pour que l'on puisse perpétuer l'esclavage de l'homme par l'homme. Et nous voudrions qu'ils nous soient reconnaissants d'une existence de servitude dans une société basée sur l'exploitation de la majorité productive par une minorité hypocrite qui domine en s'appuyant sur l'ignorance et la force de son appareil répressif. Les enfants des classes prolétariennes ne doivent rien à leurs parents, car ceux-ci ne se sont pas souciés de réfléchir aux conditions de vie qu'ils pourraient leur donner. Ils n'ont pensé qu'au plaisir de baiser et à l'orgueil de perpétuer l'espèce. Après avoir réfléchi un instant, je répondis à sa question. Je crois fort que tu as raison, mais je dois avouer que je ne m'étais jamais posé la question avant hier soir. Écoute, Tony, Madeleine m'a dit que tu veux quitter l'Espagne. La guerre n'est pas finie. Nous pouvons encore, malgré nos revers, gagner cette guerre. Je comprends que tu sois dégoûté par tous ces morts, par ces combats impitoyables pour la conquête du pouvoir. Mais tu prends trop à cœur tes rêves de justice et d'amour universel. Souviens-toi qu'au cours de l'histoire de l'humanité, les révolutions n'ont servi qu'à conquérir la reconnaissance de quelques droits pour les individus. Que l'on perde ou que l'on gagne, cela ne changera pas grand-chose aux structures de notre société. Tant que l'ignorance restera le lot des masses, celles-ci auront des maîtres. Phalangistes, socialistes, communistes, tous parlent au nom de la liberté des peuples. Mais en réalité, ils ne songent qu'à leurs propres intérêts, à la possibilité de garder ou de conquérir des privilèges. Reste avec nous, sans te faire d'illusions. La lutte continue et continuera toujours, quel que soit le vainqueur. Depuis la nuit des temps, des hommes luttent pour conquérir la liberté et la justice. Mais dès qu'une fraction prend le pouvoir, elle se transforme aussitôt en force de répression pour conserver les privilèges acquis par quelques individus. Et la lutte reprend, génération après génération, vers cette chimère que l'on appelle anarchie. Toute l'après-midi se passa en discussion. Nous avions complètement oublié Madeleine, qui devait rentrer à media tarde. Lorsque sa voix retentit dans le vestibule. « Qu'est-ce que vous faites? Vous vous disputez ?» Elle avait ouvert la porte avec sa clé et nous n'avions rien entendu. « Tony, si tu as quelque force, viens m'aider. » En riant, Soledad protesta. « Tony est sûrement plus reposé que ce matin. » On la débarrassa de ses paquets et elle disparut dans la chambre pour réapparaître quelques instants plus tard dans le costume d'Ève, avant le péché. Cela faisait des mois qu'elle était ma maîtresse. Pourtant, chaque fois qu'elle m'apparaissait ainsi, sans voile, son visage tendu vers moi, le regard plein de tendresse, une flamme de désir toujours renouvelée m'embrasait et courait dans mes veines comme un torrent de lave sur les pentes d'un volcan. J'ignorais le degré d'intimité qu'il pouvait y avoir entre mon ami et Soledad. Je les regardais, abasourdi, ne sachant quelle attitude prendre. En riant de ma surprise, elle défit le cordon de mon peignoir, qu'elle fit glisser sur mes épaules, en disant à sa copine « Veux-tu que ça soit moi ou Tony qui te mette à l'aise ?» Je ne suis pas un exhibitionniste, et la présence de Soledad calmait le désir que j'avais de Madeleine. Énervé, je lui dis de laisser tomber et de ne pas embêter sa copine, et je me tournai pour aller ramasser mon peignoir. Mais Madeleine me retint en disant « Regarde si elle est belle, Tony !» Soledad avait enlevé son corsage. Elle ne portait pas de soutien-gorge, ni de combinaison. Sa jupe et sa petite culotte s'en furent rejoindre l'autre pièce de son habillement sur le siège où elle l'avait jeté. Sol était plus mince que Madeleine, légèrement plus grande. Les cuisses longues, le ventre plat de sportive, les seins petits. La nature avait réussi le corps et raté le visage. Se tenant par la taille, elle me regardait en souriant. Puis Madeleine se sépara de son amie et en me prenant par le cou, me dit « Caresse-moi, chérie, caresse-moi !» Je sentis deux bras qui me ceinturaient et je me retrouvais par terre, couché sur le dos. Ce fut une nuit folle de jeux érotiques, une orgie de caresses, de baisers. Mes deux partenaires étaient déchaînés, insatiables. Soledad, parfois, se retirait de la joute et me servait à boire. Lorsque je me réveillais, Madeleine et Soledad dormaient encore. Leurs jambes se croisaient sur mes cuisses et leurs bras emprisonnaient ma poitrine. Nous étions couchés en travers du lit. Je n'ai jamais su, elles non plus d'ailleurs, à quel moment nous étions passés de la salle à manger à la chambre à coucher. Le mouvement que je fis pour me dégager les réveilla. « Chérie, ne nous quitte pas. » J'avais mal au crâne, la bouche pâteuse et l'impression d'avoir un abîme à la place de l'estomac. Je le leur dis en me libérant et je me levai pour aller dans la cuisine, où elles me rejoignirent presque immédiatement pour m'obliger à aller m'asseoir dans un fauteuil du salon. J'étais surpris, car ce n'était pas dans nos habitudes. Lorsqu'il y avait quelque chose à faire, on s'aidait si c'était possible ou nécessaire, ou bien on restait l'un près de l'autre, à batifoler. Ce ne fut qu'après avoir satisfait nos estomacs que je me rendis compte que mes amies paraissaient soucieuses. Sol restait muette. Madeleine ne quémandait ni bise, ni caresse. C'était contraire à leur tempérament. Tout au moins tel que je le connaissais. « Qu'est-ce que vous avez toutes les deux? Vous boudez? Vous êtes fâchées ? » Qu'est-ce que je ne vous ai pas fait ? Sol se leva en silence et s'en fut chercher une feuille de papier dans le tiroir du buffet. C'était une lettre de Pablo qui me demandait de rejoindre le groupe le plus vite possible. Lorenzo Giua avait donné la lettre à Madeleine après l'avoir retirée au siège de la CNT où elle avait été expédiée. Au lieu de me la remettre, elle en avait parlé à Soledad et toutes deux s'étaient mises d'accord pour organiser la folle nuit que nous venions de terminer. Que vas-tu faire ? Je ne savais quoi répondre. Le souvenir de Durruti, Berneri, Barbieri assassinés, des dizaines de copains tombés sous les coups des fanatiques du pouvoir ou disparus dans les geôles de la GPU me dégoûtaient de la guerre. À quoi bon se battre ? Les masses étaient comme des troupeaux de moutons enragés qui se massacrent entre eux, incapables de raisonner avec leur propre cerveau. Et suivent les marchands de vent de la politique, sans s'apercevoir que ceux-ci se servent d'eux pour conquérir ou conserver la puissance qui leur permet de continuer à les exploiter. Je sentais comme dans un rêve la tiédeur des deux corps de femme contre le mien. Quatre mains qui frôlaient mon corps en le couvrant de caresses. Que vas-tu faire ? Je reste ici. Le jour s'écoula paisiblement. Soledad m'avoua qu'elle avait mélangé un aphrodisiaque au Malaga qu'elle me servait entre deux joutes. Je regrette aujourd'hui d'avoir perdu la liste des composants de ce stimulant érotique uniquement fait d'herbes et de racines, et qu'elle composait elle-même. Sous la pression de ma conviction que la révolution était perdue, au moins pour les libertaires, j'avais décidé de rester à Barcelone avec mes copines et de chercher un emploi. Le travail ne manquait pas, pour pouvoir me laisser vivre. L'arrivée inopinée de Lorenzo, accompagné de Georges et d'Alfred, deux amis à moi qu'il avait rencontrés au syndicat, où ils attendaient de partir pour le front, devait tout remettre en question. Joe et Freddy étaient arrivés avec un convoi de volontaires pour les brigades. Mais connaissant mes sympathies, ils avaient essayé d'avoir de mes nouvelles par la CNT. Lorsqu'ils avaient appris que Lorenzo faisait partie du groupe international de la colonne Durruti, ils lui avaient demandé s'il me connaissait. Et Lorenzo n'avait trouvé rien de mieux à faire que de les amener chez Madeleine, dans l'espoir de m'y trouver. Deux jours après, nous étions sur un camion qui roulait vers les hauts plateaux d'Aragon. À tous mes arguments, ils avaient répondu par leur volonté de connaître les réalisations de la Révolution et la façon de se battre des milices républicaines. Ils avaient clos la discussion en déclamant la tirade de Cyrano. « Que dites-vous ? C'est inutile ? Je sais. Mais on ne se bat pas dans l'espoir du succès. Non, non, c'est bien plus beau lorsque c'est inutile. » Revenons sur les événements de Barcelone. Le gouvernement de la Généralité déclenche le 3 mai sa première attaque organisée contre les comités ouvriers révolutionnaires. Le conseiller catalaniste à la sécurité intérieure fait attaquer le central téléphonique de la place de Catalogne, contrôlé par la CNT depuis juillet. Aussitôt, les travailleurs du central résistent, tandis que le comité de défense de la CNT entre en action. En deux heures, la population des principaux faubourgs, sur le qui-vive depuis des semaines, entame la grève générale et érige des barricades. Les représentants de la CNT négocient avec le président de la Généralité, qui feint de ne pas être au courant de l'action de sa police, et promet de la retirer. Mais le matin du 4 mai, les gardes d'assaut occupent le palais de justice et se déploient sur tous les points stratégiques de la ville. La bataille sanglante se déchaîne alors dans les rues, tournant à l'avantage des anarchistes et du POUM. La population engagée sur les barricades estime sans doute que la défense de la Révolution se joue là et maintenant. Et dans toute la Catalogne, des villes et villages se soulèvent. On ne peut laisser faire, boum, badaboum, badaboum, badaboum. Mais le jeu de dupes politiciens continue. Le gouvernement de la généralité, et en premier lieu les communistes, accuse les anarchistes de rébellion et de provocation, démissionne en bloc et refuse de négocier tant que la population combat sa police dans les rues. Sous l'argument de ne pas rompre l'unité antifasciste, ce qui ferait le jeu de Franco, ni de fournir aux puissances capitalistes l'occasion d'une intervention, la CNT fait tout pour calmer le jeu. La République s'arme, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. La République s'arme, boum, badaboum, badaboum, bam, bam. Mais d'abord contre nous autres, aïe Carmela, aïe Carmela. Alors que le 2 mai, elle avait exhorté les travailleurs à ne se laisser désarmer sous aucun prétexte, le 4 et les jours suivants, ses ministres multiplient des appels à la radio. Ils supplient les militants des barricades de cesser le feu et de reprendre le travail. Par ailleurs, ils ordonnent aux miliciens, partis du front d'Aragon pour aider les ouvriers de Barcelone, de rebrousser chemin. Beaucoup de militants abandonnent le combat, écœurés et désemparés, tandis que les troupes du gouvernement de Valence finissent de rétablir l'ordre public en Catalogne. À Valence et à Moscou, boum, badaboum, badaboum, bam, bam, le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela, le même ordre nous condamne, aïe Carmela, aïe Carmela. Le 7 mai, les combats prennent fin et les militants libertaires peuvent prendre la mesure du désastre. On compte entre 400 et 500 morts au sein de la population ouvrière. 300 anarchistes, dont beaucoup seront exécutés, sont retenus en otage dans le commissariat central, alors que la CNT, elle, a libéré les gardes d'assaut faits prisonniers. La Telefonica et d'autres bâtiments stratégiques ont été repris à la CNT, malgré les promesses. Dans la confusion générale de la bataille, et surtout après, beaucoup de militants, notamment des jeunesses libertaires, sont liquidés d'une balle dans la nuque ou disparaissent. Camillo Berneri et son ami Francesco Barbieri sont arrêtés le 5 mai à leur domicile par des hommes en civil, porteurs d'un brassard rouge, et par des policiers. Leurs corps sont retrouvés le lendemain dans des rues proches de la généralité. Un article, paru le 29 mai, dans l'organe du Parti communiste italien en France, attribue à Berneri, traité d'incontrôlé, la responsabilité du, nous citons, du sanglant soulèvement contre le Front populaire espagnol, la révolution démocratique à laquelle aucun antifasciste ne refusera le droit à l'autodéfense, s'est fait justice sur la personne de Berneri. On peut voir là une sorte de revendication. Pour Jiménez, comme pour beaucoup d'anarchistes de l'époque et d'aujourd'hui, il ne fait pas de doute que les meurtriers sont les communistes. En tout cas, la répression, la terreur et les assassinats vont continuer dans les semaines suivantes, et on sait à qui les attribuer. Ils sont l'aboutissement d'une stratégie stalinienne exprimée en des termes bien précis dans ce télégramme envoyé le 20 juillet 1936 par le Comintern au PCE. Il est nécessaire d'adopter de toute urgence des mesures préventives contre les tentatives de sabotage des anarchistes, derrière lesquelles se cache la main des fascistes. La généralité annonce le 12 mai la dissolution effective des patrouilles de contrôle, sans que la CNT ne s'y oppose plus. L'État central va reprendre la main en Catalogne, en réinvestissant l'ordre public, le commandement des opérations militaires et l'industrie de guerre. Le 15 mai, Largo Caballero est remplacé par l'homme des communistes, le socialiste de droite Negrín. Et dans le nouveau gouvernement, il n'y aura plus d'anarchistes. Le coup de force de mai, qui a permis l'instauration d'un véritable État démocratique autoritaire, dont les staliniens sont le fer de lance, a politiquement réussi. Depuis septembre 1936, les dirigeants anarchistes avaient opté pour la collaboration avec l'État. Pour eux, dans la mesure où les libertaires n'étaient pas majoritaires en Espagne, le seul moyen de sauver les acquis révolutionnaires était de les institutionnaliser. Au sortir des journées de mai, alors même que ces acquis sont sans cesse attaqués, les dirigeants de la CNT, empêtrés dans la logique de guerre antifasciste, s'intègrent progressivement à la restauration étatique, qu'ils soient d'ailleurs gouvernement ou pas. Ainsi, beaucoup de militants libertaires ont dû frémir en lisant dans ce communiqué interne de 8 mai, nous citons « Le comité régional de la CNT collaborera avec la plus grande efficacité et loyauté au rétablissement de l'ordre public en Catalogne, finissant avec la période d'activité partisane qui nous a justement menés à la situation insoutenable qui déclencha la tragédie. Nous avons donc le plaisir de réitérer notre concours au gouvernement de la Généralité. » C'est dans cette disposition d'esprit que la CNT va condamner et dénoncer comme agent provocateur le groupe des Amigos de Dorothy, qui a combattu sur les barricades et distribué le 5 mai un tract appelant la poursuite de la lutte révolutionnaire dans les rues et dans les collectivités. Le 8 mai, il publie un manifeste affirmant que les responsables cénétistes ont trahi la révolution. Thank you.